Chapitre 25e. La stupéfaction des employés fut profonde lorsqu'ils virent Madame d'Alifa reconduire le notaire et traverser les bureaux en marchant près de lui d'un pas alerte et joyeux. Cela ne s'était jamais fait. C'était une dérogation aux usages traditionnels véritablement extraordinaire. Jamais, au grand jamais, elle n'avait accompagné personne plus loin que la caisse de Lucius. C'était à croire qu'il y avait sur le parquet une raie magique invisible pour tout le monde, mais pour elle infranchissable comme une ligne de feu. Arrivée à cette raie, elle s'arrêtait net, et après une brusque inclinaison de tête, qui imprimait à ses deux papillotes un mouvement rapide de haut en bas et de bas en haut, comme s'ils eussent été des élastiques en fil de laiton, elle congédiait les visiteurs. C'était tout ce qu'on obtenait d'elle. Elle était riche, elle était femme, et ces deux qualités lui paraissaient suffisantes pour exiger de tous des témoignages de politesse et de déférence qu'elle ne rendait à personne. Cela était si bien connu que souvent, en la voyant arriver à la caisse, les commis se disaient entre eux et tout bas « Attention, le ressort va partir !» Et effectivement, le ressort partait. Que signifiait cette marque de politesse envers le notaire? Il lui avait donc rendu un bien grand service. « C'est bien certainement le mariage de M. Adolphe qui se prépare, » dit Flavien à Maïadas. « Mademoiselle Nélis va être notre patronne. » « S'il était question de Mademoiselle Nélis, » répliqua Maïadas, « Madame n'aurait pas cette mine joyeuse. »« Que M. Adolphe épouse Mademoiselle Nélis ou une autre, » dit Pomo, qui par hasard se trouvait à ce moment avec ses deux camarades, « ça m'est égal. Tout ce que je désire, c'est qu'il se marie. Ça nous fera un jour de fête. » Vous autres, vous avez eu l'enterrement, moi je veux le mariage. Pendant que vous preniez votre congé, j'étais à foi. Vous voyez des pays, vous faisiez des économies. Oui, joli pays et fameuse économie. Mes frais avaient été si rigoureusement calculés que je n'ai pu mettre que 13 sous de côté. Madame d'Alifard et le notaire s'étaient arrêtés sur le palier de l'escalier où ils s'entretenaient. Lucius, traversant le bureau, alla les rejoindre. Il tenait à la main une feuille de papier timbré. « Voilà Lucius qui va aux nouvelles, » dit Pomo. « A-t-il un toupet ?» Ce toupet n'alla cependant point jusqu'à intervenir dans cet entretien. Lucius s'arrêta à une distance respectueuse et là, il attendit, se contentant de tousser de temps en temps discrètement dans le creux de sa main pour appeler l'attention. « Que voulez-vous ? » dit enfin Madame d'Alifard. Que cette toux répétée tira de sa préoccupation. Je voulais consulter M. Labranche au sujet d'une inscription, dit Lucius, s'avançant et montrant la feuille de papier timbré. Alors au revoir, mon cher M. Labranche, dit Madame d'Alifard. À bientôt, n'est-ce pas? Au revoir. La consultation que Lucius voulait demander au notaire était, bien entendu, un prétexte. En réalité, il cherchait une occasion d'apprendre quelque chose. Comment arriverait-il à ce résultat? Il n'en savait rien. Mais enfin, il lui semblait qu'en causant avec le notaire, il avait toujours la chance de récolter un renseignement quelconque, si mince qu'il fût. Puis il aurait approché M. de Labranche, et ce serait une sorte de prestige dont il pourrait se parer auprès des autres commis. Ses efforts pour faire parler M. de Labranche furent vains, et il eut beau faire revenir 20 fois le nom de M. d'Alifard, le notaire ne dit point, comme le caissier l'espérait, qu'il avait en ce moment occasion de voir souvent Adolphe. De guerre lasse, le caissier fut obligé de laisser partir le notaire, et il revint à son bureau, n'en sachant pas plus que quand il l'avait quitté. « Eh bien, » demanda Maïdas, l'arrêtant au passage, « est-ce que M. Adolphe épouse Mademoiselle Nélis ?»« Je vous trouve bien curieux, cher ami, et c'est un bien vilain défaut. » Croyez-vous que je vais vous répéter ce que M. de Labranche m'a confié? Pour cela, adressez-vous à d'autres. Il se prépare des choses graves. Quand le moment sera venu d'en parler, je les dirai, pas une heure avant. Lucius, interrompit Maïdas, voulez-vous que je vous dise, vous n'êtes qu'un Allemand. Je m'en honore. Très bien. Seulement, vous savez mon opinion sur les Allemands, tous hypocrites, poseurs et blagueurs. Voilà. Le notaire ne vous a rien dit? Et vous faites le diplomate. Nous expliquerons plus tard, dit le caissier d'un air digne. Madame pourrait nous entendre. Ce danger n'était pas à redouter pour les commis, car en ce moment Madame d'Alifard arpentait son cabinet à grands pas, sans se soucier de ce qui pouvait se passer dans ses bureaux. L'orgueil la portait, et les bouffées de joie qui lui montaient à la tête troublaient ses yeux et ses oreilles. Elle ne regardait pas dans le présent, mais dans l'avenir. Monsieur Houdaille, en effet, était le modèle qu'elle avait eu sans cesse présent à la pensée pendant toute sa carrière. Alors qu'elle n'était que la petite Chouachillon, Monsieur Houdaille avait déjà une maison importante dans le quartier du Temple, et chaque jour elle avait envié son succès. C'était l'époque où, commençant à établir les fondations de sa fortune, elle cherchait des exemples autour d'elle, autant pour se guider que pour se justifier à elle-même son ambition. Et bien souvent, tout bas, elle s'était dit « Si j'arrivais seulement à la fortune et à la réputation de M. Houdaille !» Plus tard, le commerçant était devenu homme politique. Les circonstances l'avaient mis en vue. Et à mesure qu'il avait monté les échelons, Madame d'Alifard l'avait suivi, partagée entre l'admiration et l'envie. Elle aussi, si elle avait été homme, elle aurait pu être conseillère municipale, maire de son arrondissement, députée au corps législatif. Si elle n'avait pu réaliser ce rêve parce qu'elle était femme, elle avait pu au moins se rapprocher de son modèle par la fortune, l'égaler, puis le surpasser. Car pendant qu'il perdait son temps dans les affaires publiques, elle travaillait et gagnait de l'argent. C'était cet homme qui venait aujourd'hui rechercher une union avec elle en lui faisant demander son fils en mariage. Car elle n'avait pas été dupe de la discrétion du notaire, et elle était pleinement convaincue qu'il n'avait fait sa démarche qu'à l'instigation de M. Houdaille. On voulait d'elle, et pour tâter ses sentiments, on lui avait détaché M. de la Branche. Il l'avait vraiment bien manœuvré, le notaire, et rendue indulgente par la joie, elle lui reconnut quelques mérites. Il était fin, adroit, discret. Ainsi, M. Houdaille voulait Adolphe pour sa fille. Ce serait un beau mariage, qui permettrait à Adolphe de tout espérer. La position des Houdaille était supérieure à celle des d'Alifard, mais la fortune des d'Alifard valait mieux que celle des Houdaille. Elle n'aurait donc pas à souffrir dans son orgueil, car l'argent compenserait les honneurs. Et puis il n'y avait pas une seule tache sur le nom des d'Alifard. Réputation nette comme la fortune, voilà ce qu'elle apportait de son côté. Tandis que du côté de la future, il y avait un Houdaille, un oncle, qui avait fait faillite. Il avait été réhabilité, cela était vrai, mais on savait comment. Après avoir obtenu un concordat qui lui remettait 50%, il n'avait payé que 25% pour avoir quittance complète. Cela était connu. Et si les Houdaille levaient un jour la tête trop haut, on pourrait leur rappeler ce fait, qui n'avait point son pareil à la charge d'Adolphe. Il n'avait jamais eu d'oncle failli, lui, ni de cousin, ni personne dans sa famille. Oh, ce serait un beau mariage, où tout se trouverait réuni. Lorsqu'Adolphe rentra et vit la joie qui transfigurait sa mère, il fut épouvanté. « J'ai eu la visite de Delabranche, » dit-elle. « Nous l'avions vu hier. Il avait à me parler d'une affaire importante, très importante. » « C'est cette affaire qui t'a donné cette animation ?»« Ce sera la plus grande affaire de ma vie. L'animation est bien permise. Dans quelques jours, je te dirai de quoi il s'agit. » Il ne pouvait pas attendre quelques jours et la joie de sa mère faisait son angoisse. Que signifiait cette joie? Quel jeu jouait donc de la branche? Le lendemain matin, il courut chez le notaire à l'heure à laquelle il était certain de le trouver à son étude. « Eh bien, que se passe-t-il ? » dit celui-ci en le voyant entrer dans son cabinet. « Pourquoi cet air effaré ?»« C'est à vous que je pose cette question. Que se passe-t-il ? Hier, en rentrant, j'ai trouvé ma mère si heureuse que j'étais effrayé. Ce n'est pas la pensée de mon mariage avec Juliette qui peut lui causer cette joie. Mais alors ? Je ne vous ai pas promis de parler de Mademoiselle Nélis à votre mère, mais seulement d'aider à votre mariage. » Pour cela, laissez-moi prendre les chemins qui me paraissent conduire au but que je me propose. Et si je crois bon de parler de pluie et de beau temps, accordez-moi cette liberté. Je n'ai pas le même bonheur que vous à prononcer le doux nom de Juliette. Enfin, où voulez-vous en venir? À assurer votre bonheur. Seulement, si vous voulez que je réussisse, ne m'interrogez pas. Vous savez garder un secret, j'en suis certain, mais pas avec votre mère. Madame d'Alifard est trop fine, trop habile, trop maîtresse de votre volonté. Si je vous disais aujourd'hui ce que je compte faire dans 8 ou 15 jours, elle le saurait demain. Alors, que me resterait-il ? Je n'ai pas des moyens inépuisables, je n'en ai qu'un, ne me le brisez pas vous-même. » À ce moment, un valet de chambre entra dans le cabinet du notaire. « Madame fait demander si monsieur se servira du coupé aujourd'hui, » dit-il. « Je ne sais pas, » répondit monsieur de la Branche avec impatience. « Laissez-moi. » « 8 jours, 15 jours, » dit Adolphe, reprenant l'entretien. « Je ne peux pas attendre jusque-là. »« Bigre, » dit le notaire en riant. « Vous êtes un joli amoureux, vous. » « Il ne s'agit pas de mon impatience, mais des circonstances qui me pressent. » Madame Nélis, à qui j'ai parlé de mon projet, il y a longtemps déjà, ne comprend rien au retard et aux remises que j'apporte à sa réalisation. Elle commence à croire que je me moque d'elle, et d'un moment à l'autre, elle peut avoir une explication avec ma mère. D'un autre côté, Juliette, qui hésite à se décider à ce mariage, est dans des conditions particulières où je pourrais enlever son consentement. Elle vient d'éprouver 2 déceptions qui sont cruelles pour son amour propre d'artiste et qui jusqu'à un certain point l'ont découragée. Sur 2 tableaux présentés par elle à l'exposition, elle en a eu un de refusé et le plus remarquable, bien entendu, celui sur lequel elle comptait pour frapper un coup. À cette occasion, elle a été indignement traitée dans un journal. Ce sera le moment pour moi d'intervenir vigoureusement et de la décider à renoncer à la peinture. « Je comprends vos raisons, et je vous promets de ne pas perdre de temps. » La porte du cabinet se rouvrit, et le valet de chambre parut de nouveau. « Madame prie monsieur de décider ce qu'il fera pour la voiture, » dit-il, « parce que madame en a besoin, et si monsieur ne devait pas s'en servir, elle la prendrait pour toute la journée. »« Qu'elle la prenne, » dit le notaire. Puis, quand le valet de chambre fut sorti, « Et je vous laisserai épouser, » dit-il vivement, une femme qui, parlant au nom de sa dot et de sa fortune, s'attribue le droit d'ordonner tout dans votre vie ? Non, mon ami. Vous épouserez une femme sans dot et sans fortune, qui vous laissera toute liberté de vous servir ou de ne pas vous servir de votre voiture. Encore un coup, comptez sur moi. Vos affaires sont en bon chemin. Hier, vous avez vu le triomphe de votre mère, demain, vous verrez sa défaite, et dans quelques jours, je l'espère, vous verrez sa capitulation. La pièce est en 3 actes, sans compter l'apothéose, où vous paraissez en prince charmant. Ah, Hyménée, Hyménée !